بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الرابع عشر بعد المئة. 114 question أو plutôt leçon. يقول في السؤال الثاني وتسعين بعد ثمانمائة. 892 question. ما حكم من ترك صلاة جمعة تهاونا؟ Quel est le jugement qui se rapporte à celui qui aura délaissé trois fois le jumu'ah d'affilée, d'accord, par négligence, c'est-à-dire sans raison, sans excuse, ni les malades, ni les voyageurs, ni les zalika. Yaqul yatba'u Allah ala qalbi, que Allah va tamponner son cœur dans le sens qu'il va le clôturer, comment dirait, le fermer, le sceller, non, comme ce qu'on dirait le sceller. Et le délit, c'est le hadith de أبو الجعد الدمري رضي الله عنه قال كانت له صحبة فتاه صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها تبعها الله ولا قلبه. Que celui qui aura délaissé trois fois le jumu'a par négligence, que Allah sera à son cœur. Apporté par Abu Dawud. ثم قال في السؤال الثالث والتسعين بعد ثمانمية. 893 question. Quels sont les gens pour qui le Jumu'ah n'est pas obligatoire? Il s'agit de l'esclave, du malade, du voyageur, de l'enfant et de la femme. Ces quatre-là, il ne leur est pas obligatoire d'assister à la salat du Jumu'ah. Et le dalil, c'est le hadith de Tariq ibn Shihab, radiallahu anhu. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Fi jama'atin ila arba'atin. Que le Jumu'ah est un droit sur tout musulman, d'accord, à part quatre. C'est-à-dire le fait d'assister à la salat en groupe. À part quatre. Et il cita le serviteur, l'esclave, on va dire, la femme, l'enfant et le malade. Rawahu Abu Daoud. Et authentifié par Al-Albani, et également le Wadi'i. Rahimahumullah jami'an. Par contre, eux, ils font salat de Dhor, c'est-à-dire la femme baliga, adulte, et l'esclave et le malade, ils font Dhor. D'accord, ils font Dhor, normal, mais ils ne sont pas obligés de venir au masjid assister à la khutbah. Cela leur est permis. Et le abd, cela lui permet si son serviteur, son maître, lui autorise. ثم قال في السؤال الخامس والتسعين بعد ثمانمية. 895e question. كم الجمعة خطبة؟ Combien y a-t-il de khutbah, d'accord, le Jumu'ah? Khutbatan yafsal baynahuma bil julus. Qu'il y a deux khutbahs en fait, qui sont séparés par une assise. C'est-à-dire que l'imam monte sur le minbar, il commence sa khutbah, après il s'assoit. Ça c'est une. Après il se relève et il reparle. Et ça c'est clôture. Ça c'est la deuxième. D'accord. Dans un autre jour, je m'étais trompé. J'avais fait une erreur dans un audio qui parle, qui touche aux règles du Eid, il y a quelques années de cela, en faisant un qiyas avec la khutbah du Eid. Et j'avais dit qu'il n'y avait pas de, que pareil que la khutbah de Jumu'ah, c'était une seule, mais divisée en deux. Donc ça, c'était une erreur de ma part. Astaghfirullah wa tubu ilayh. J'avais déjà fait un bayan, mais je le redis pour ceux qui avaient écouté l'audio à l'époque, qui n'étaient pas au courant, que la khutbah de Jumu'ah, c'est deux khutbahs. Mais en une seule séance, elles ont lieu en une seule séance. Et elles sont séparées par l'assise de l'imam. Donc le dalil, c'est le hadith de Jabir ibn Samurah, radiallahu anhu, قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبة نجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم avait deux khutbah, d'accord, il s'asseyait entre les deux, il lisait le Coran et il faisait le rappel aux gens, rapporté par musulman. ثم قال في السؤال السادس وتسعين بعد ثمانمية. 896e question. ما هي خطبة الحاجة؟ Ce qu'on appelle خطبة الحاجة, ce que l'on fait dans en introduction, lors de la khutbah de Jumu'ah, lors des muhadara, lors des rappels, ou même aussi pendant le acte du mariage. D'accord? Quelle est-elle, cette khutbah, ce discours? C'est celle qui est citée dans le hadith de Ibn Mas'ud, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné khutbah de Jumu'ah, le khutbah de Hajj, et il leur a dit Inna alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shurur anfusina ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En premier lieu, il dit que nous faisons l'éloge sont à Allah, c'est auprès de lui que nous recherchons de l'aide, et c'est auprès de lui que nous demandons le pardon. Nous recherchons refuge auprès d'Allah du mal de nos âmes. Et que celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui que Allah égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il y a d'autres divinités d'adorer, ce n'est Allah Azzawajal. Je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Et après, il récite les trois versets. « Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha » ou « Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba » dans sourate An-Nisa. Le premier verset. Également, Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant totalement soumis. Et également les autres versets, Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole juste, il réformera vos actes et pardonnera vos péchés, et celui qui obéit à Allah son messager a cette réussite, d'une réussite évidente. Et ça c'est connu. À force de l'entendre, les gens, alhamdoulilah, finissent par l'apprendre par cœur. ثم قال في سؤال الثامن وتسعين بعد ثمانمائة بسكتون الديجيتال كيستيون هل يجوز ورد السلام أثناء خطبة الجمعة؟ Est-il permis de rendre le salam alors que l'imam est en train de parler pendant la khutbah de Jumu'ah? Cela n'est pas permis. Toute parole est interdite, hormis si l'imam se met à te parler à toi que tu lui répondes. En dehors de cela, il n'est pas permis de parler, d'accord, durant la khutbah. Dans le hadith d'Abu Huraira, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوته. C'est mais le fait que tu dises à ton voisin tais-toi, c'est-à-dire que ton voisin te parle, toi tu lui réponds en disant tais-toi, tu auras été distrait pendant ta salat. Tu auras été distrait pendant ta salat et dans une version que tu n'as pas de Jumu'ah, tu n'as pas la récompense de Jumu'ah. Donc rendre le salam à quelqu'un qui passe le salam, c'est pareil. Il rentre, il dit salam alaikum, tu ne réponds pas. Et ça, on parle au moment où l'imam parle, bien évidemment. À un moment, il est assis, ou au moment où il vient, il rentre, il se lève, et plutôt il vient, avant, il s'assoit sur le minbar, avant de se lever pour faire la khutbah. Là, c'est permis. Au moment où il a fini de faire sa khutbah, quand il se descend du minbar avant la salat, c'est permis également à ce moment-là. Ce qui est interdit, c'est de parler au moment où lui, il parle. De toute façon, ça va revenir dans la 900e question. Ça va venir, Inch'Allah. Thumma qala fi su'al at-tasi' wa tis'in ba'd thamanmiya. 899e question. Hal tusalli tahiyat al-masjid wa al-imam yakhutub yawm al-jumu'ah. Est-ce qu'il est permis de faire les deux rakat qu'on appelle des salutations du masjid au moment où l'imam fait la khutbah? On dit non, cela est permis, mais il les fait vite. Il les fait vite et rapidement. En respectant les piliers, bien évidemment. Comme dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, que le Nabi sallam est en train de faire la khutbah, et qu'un homme est rentré, d'accord, et il lui a dit, l'homme s'est assis, il a dit à salat al-rakatayn, qu'il a dit à cet homme-là, est-ce que tu as fait rakatayn? L'homme lui a dit non. Il a dit lève-toi et fais de rakat. Donc là, il s'est levé, il a fait de rakat. Donc ce hadith-là démontre également le côté obligatoire de ces deux rakat de lorsqu'on rentre au masjid. Même si l'imam fait la khutbah. Et elles sont obligatoires pour celui qui a ses ablutions. Et maintenant, dans la 109e question, justement, ma hukm man takallama wa l'imam yakhutub yawm al-jumu'ah. Qui est le jument de celui qui parle alors que l'imam fait la khutbah, on dit que il ne tire aucune récompense de son jument. Il n'a pas à le refaire, mais il n'en a pas de récompense. ثم قال في السؤال الواحد بعد 900 901e question. يقول ماذا يقرأ في صلاة الجمعة بعد الفاتحة؟ Qu'est-ce que l'on récite le jour du Jumu'ah après le Fatiha? En premier lieu, on récite surat al-A'la. Sabbih ismi rabbika al-A'la. Et dans la deuxième, al-Ghashiyah. Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Et parfois, il est permis de faire salat, de réciter la surat al-Jumu'ah. Surat al-Jumu'ah. Et dans la deuxième, surat al-Munafiqin. Cela est permis également sur la sunna. Le Nabi Sallam l'a fait les deux. Et on peut en fait, en réalité, faire salat avec ce qu'on veut, seulement cela, c'est la sunna, les choses sur lesquelles le Nabi Sallam a perduré. D'accord, les choses qu'il faisait à chaque fois. Mais si quelqu'un récite autre chose, d'une autre surat, tant qu'il n'est pas trop long, d'accord, cela également est permis. Fabien d'Al-Qadmaq Tafi, ou Alhamdulillah Rabbil Alamin.